soleil faut clairer la journée. Et ni la lune faut clairer la nuit. Et ni clocha, ah, ah, ni moun qui riche, ni moun qui malheureux. Ni sa kari, ni sa qui kableré. Pouchi tout ça, mais pouchi tout ça, eh, da da da. Solution à la vie. Nous pas qu'à contrôler toutes les situations. Malgré la science, et même qu'à évoluer. Oh, oh, oh. Maman nous tous, ces femmes. Ni même sang, nous toutes les mêmes manières. Ça qui enlève pas qu'à molli tout ça qu'à faire. Et soi-disant l'homme intelligent, I'm